ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Les signes du Messie. Introduction de l'éditeur Adolphe Jelinek, Bet à Midrash. Les 10 signes qui précèdent l'arrivée du Messie se rattachent par son genre littéraire au livre de Zorobabel et sont également écrits dans le style apocalyptique. Il repose sur de très anciens récits de la nation juive qui revivent périodiquement en temps de nécessité et de misère. Armillus est ici explicitement identifié à l'Antéchrist, ce qui n'est pas encore le cas dans le livre de Zorobabel ni dans le Midrash Vayosha. Notre recension est empruntée à l'ancienne collection d'opuscules Afkat Rekel, édition Amsterdam. La collection de petites agadotes, éditée d'après le Constantin, 1519, contient également un texte appelé « Signe du Messie ». Je n'ai cependant pas vu ce texte. D'autre part, dans le Codex 17 de la Bibliothèque communale de Leipzig, se trouve une recension plus courte des signes du Messie, avec le sous-titre « J'ai copié les signes du Messie depuis les Midrash de Rav Haïgaon ». CF Kerem Shemet.